Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous concocte une émission spéciale dédiée à des animaux dont on a peu parlé pour le moment, qui traînent près des points d'eau et à la jolie peau perméable. Je veux bien sûr parler des amphibiens. Salamandres, grenouilles et tritons seront à l'honneur dans cet épisode. Dans la chronique, je vous parle de la salamandre tachetée à l'étincelante livrée noire et jaune, ce charmant petit animal légendaire aux mœurs et à la biologie fascinante. J'aurai ensuite la chance de recevoir un nouveau duo, Marine Deluen, doctorante en écologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et Hugo Le Chevalier, ingénieur d'études, tous deux rattachés à la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS à Moulis. Ils viennent nous parler d'un animal un peu secret, endémique du coin, le calotriton des Pyrénées. Tous deux sont également des membres actifs de l'association naturaliste Ad Naturam. Bonjour Marine, bonjour Hugo et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Avec sa peau noire brillante, parsemée de taches jaunes éclatantes, impossible de confondre la salamandre tachetée avec un autre habitant des sous-bois. Encore aujourd'hui, elle continue à fasciner, mais aussi à effrayer certains promeneurs crédules. Il faut dire que la salamandre souffre encore d'une dangereuse réputation. Animal mythologique, on lui prête de super pouvoirs, ce qui en inspirera certains. Devenue l'emblème officiel du roi François Ier au XVIe siècle, placardée partout dans le château de Chambord, on lui attribue la particularité d'être insensible aux flammes, comme le révèle la devise qui lui est associée « Nutrisco et extingo », « je m'en nourris et je l'éteins ». On prétend même que l'animal peut vivre des centaines d'années et ne meurt que quand le feu qui l'alimente s'éteint. Rien que ça. On la présente aussi comme une bête dangereuse. On dit qu'elle est venimeuse et malveillante, qu'elle peut empoisonner les points d'eau ou les fruits et les arbres qu'elle touche. Ou encore que de son simple souffle, elle peut faire enfler ceux qui la croisent jusqu'à ce qu'ils éclatent. Que d'accusations pour un si petit animal. La vraie arme secrète de notre salamandre, ce n'est pas de maîtriser le feu. Non. Son vrai super pouvoir réside ailleurs. En effet, même si elle n'empoisonne pas les rivières, elle se révèle venimeuse. Notre animal sécrète un mucus empoisonné au niveau de sa peau et alerte, grâce à ses jolies taches jaunes, tout prédateur affamé qu'elle n'est pas bonne à croquer. On parle d'aposématisme, quand un animal produit un message visuel, sonore ou chimique pour avertir de sa toxicité. Ce mécanisme, connu dès le 18e, a été expliqué par le naturaliste Alfred Russel Wallace, contemporain de Darwin. Malgré tout, et même si elle peut dissuader une loutre peu expérimentée ou un renard trop curieux, son venin est inoffensif pour un être humain. Mais ce n'est pas tout. La salamandre a d'autres tours dans son sac, et l'une de ses capacités les plus impressionnantes laisse rêveur. Attention, accrochez-vous. La salamandre peut régénérer ses membres coupés et ses organes abîmés, comme les yeux, le cœur ou même la moelle épinière. Inutile de dire qu'elle fait des envieux. Plusieurs études ont été menées chez des cousines de notre salamandre tachetée pour tenter de percer son secret. Une recherche publiée en 2013 dans le journal PNAS par James Godwin et ses collaborateurs a été menée sur l'axolotl, un cousin mexicain qui exhibe toute sa vie des caractéristiques larvaires, comme des branchies, tel un éternel adolescent. Leur recherche révèle l'implication de cellules du système immunitaire, les macrophages. Ces cellules sont sécrétées en masse lors d'une blessure et envoyées sur place. Elles détruisent les corps étrangers et envoient des signaux inflammatoires et anti-inflammatoires pour permettre la cicatrisation du membre blessé. Les scientifiques ont fait varier la quantité de macrophages présents chez des animaux amputés et ont pu observer que s'ils éliminent totalement ces cellules, la patte cicatrise mais ne repousse pas. Si la concentration initiale en macrophages est rétablie, la repousse du membre amputé peut reprendre. Pas mal. Une autre étude, cette fois réalisée chez le triton vert à points rouges, a été publiée en 2014 par l'équipe de Maximina et Yoon dans le journal Stem Cell Reports. Cette fois, il semblerait que ce soit toute une voie métabolique qui serait à l'œuvre dans ce phénomène de régénération. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez beaucoup d'organismes vivants, au départ, l'individu n'est constitué que d'une cellule, puis plusieurs, que l'on appelle totipotentes. Ces premières cellules peuvent se diviser et se spécialiser dans n'importe quelle fonction. Poumons, muscles, foie, sang, etc. Elles peuvent tout faire. Chez les mammifères, les cellules musculaires, par exemple, résultent de la fusion de plusieurs cellules, appelées myotubes. Une fois les cellules fusionnées et spécialisées en cellules musculaires, impossible de se diviser et de recommencer un nouveau cycle. Alors que chez les tritons, ces fameux myotubes, eux, peuvent repartir pour un tour. Ce processus est possible grâce à une voie métabolique particulière, appelée ERK, pour Extracellular Signal Regulated Kinase, et qui met en action des protéines kinases. Active en permanence chez la salamandre, cette voie métabolique n'est active que de manière discontinue chez les mammifères. Les scientifiques ont en effet réussi à activer cette voie chez des souris, mais que de manière temporaire. Affaire à suivre. Légendaire, venimeuse, immortelle ou flamboyante, la salamandre tachetée est avant tout une espèce vulnérable et discrète à protéger. Victime de la dégradation et du morcellement de son habitat, piégée sous les roues des automobilistes, sa population décline. Pourtant, ses supercapacités de régénération pourraient bien révolutionner notre médecine. Mais encore faudrait-il que l'on fasse un peu plus attention à elle. Et nous revoilà avec nos deux invités, Marine Deluen, doctorante en écologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et Hugo Lechevalier, ingénieur d'études, tous deux rattachés à la station d'écologie théorique et expérimentale du CNRS à Moulis. Également membres de l'association Ad Naturam, ils étudient le calotriton des Pyrénées, un amphibien endémique du coin. Marine étudie les préférences et tolérances thermiques du calotriton, pendant qu'Hugo s'intéresse à l'impact des truites de pêche sur sa population. Alors commençons par le commencement et aidons un peu nos auditeurs et auditrices. Le calotriton, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Oh bah, il ressemble à... C'est un peu à mi-chemin entre un triton et une salamandre. D'accord. C'est un petit peu... Ça a des jolis petits yeux protubérants avec une petite pupille en forme de cœur, il faut le préciser, c'est mignon. Après, au niveau de la couleur du dos, ça va de gris clair vaseux à noir foncé. D'accord. Et avec, du coup, sur le ventre, suivant les populations, un pattern orange tacheté de noir plus ou moins flashy. D'accord. Et c'est grand, un calotriton ? Oh, ça va, je le fais avec les mains, je suis ridicule, mais ça va sur une dizaine de centimètres. D'accord. Et où est-ce qu'on le trouve ? Ce calotriton. On va le trouver principalement dans les cours d'eau frais et bien oxygénés donc des Pyrénées. Comme d'accord. Son nom l'indique, il est endémique des Pyrénées. On ne le retrouve que dans la chaîne de montagne, donc France, Andorre, Espagne. On peut le retrouver aussi dans certains lacs d'altitude. Mais globalement, c'est vraiment très inféodé à des cours d'eau très oxygénés, globalement à température plutôt fraîche. Donc on le trouve quand même pas loin des cours d'eau. Globalement. On le trouve toujours à proximité des cours d'eau, du coup entre 500 et jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Oui, donc un petit montagnard quand même. Un petit montagnard. Alors on le disait, donc le calotriton c'est un amphibien, au même titre que les grenouilles, tritons, salamandres et autres crapauds. Alors comment vivent ces animaux ? On dit qu'ils étaient inféodés à l'eau, mais ils vivent sur l'eau, dans l'eau, sur terre, comment ça se passe ? Alors, ils ne vivent pas sur l'eau, c'est pas Jésus. Avec leur petite papette. Avec leur petite papette. Non, ils vivent principalement dans l'eau. Alors, en fait, comme la plupart des amphibiens, on a une phase aquatique pendant la belle saison, donc printemps, été, début automne, où là, on va vraiment les retrouver dans le cours d'eau. Donc, c'est le moment de la phase de reproduction où le mâle va séduire la femelle, va y avoir les pontes, les premières éclosions, les larves, etc. Donc, tout le début de vie va se passer vraiment dans l'eau où on va avoir une succession de métamorphoses jusqu'au stade adulte où là, l'adulte peut être à la fois terrestre ou aquatique. Et donc, pendant la phase hivernale, fin d'automne, hiver, on va avoir vraiment une phase terrestre, où on va les retrouver plutôt sur les berges. Alors, mais c'est ce qu'on disait, les amphibiens, ils régulent mal leur température, contrairement aux mammifères, ils sont un peu dépendants de la température environnante. Vous parliez d'hiver, comment est-ce qu'ils font pour survivre dans le froid des Pyrénées ? Alors ça, c'est le côté biphasique, justement, de leur cycle de vie. Ils ont une vie dans l'eau, au moment de se reproduire, et une vie sur Terre. Et on pourrait dire que c'est presque... pas le même animal à ce moment-là. D'accord. Il y a beaucoup de changements qui se font au niveau physiologique, au niveau de la peau notamment. Si on prend par exemple un animal en phase aquatique de reproduction, sur un petit triton par exemple, les couleurs vont être beaucoup plus chatoyantes pour la parade nuptiale, la peau va être beaucoup plus fine pour pouvoir respirer dans l'eau en laissant justement une peau très perméable qui laisse passer l'eau et l'oxygène. Et quand il faudra passer en phase terrestre, ils vont souvent devenir plus ternes avec une peau plus imperméable. Et effectivement, il n'est pas rare même parfois que des amphibiens puissent, par exemple, se noyer lorsqu'ils sont en phase terrestre. Ah, donc ça veut dire qu'ils perdent plus ou moins faculté de nager. Ils perdent la faculté de, rester dans l'eau sur le long terme. Et donc voilà, ils ont aussi par contre la faculté de pouvoir se dessécher moins vite et donc de pouvoir rester sur Terre pendant de longs mois. Et on va les retrouver dans des milieux plutôt humides, donc souvent dans de la tourbe, dans des souches de bois mort, dans des pierres recouvertes de mousse. Et ils y resteront pendant des mois, tout l'hiver, jusqu'au retour des beaux jours. Mais ça veut dire que, comme par exemple les tortues, ils ne vont pas manger, pas boire pendant toute la période hivernale, ou ils ressortent de temps à autre chercher un petit casse-croûte ? Alors, ouais, comme pour l'hibernation, où il y a des petites phases de réveil, où effectivement, ils peuvent se réveiller, aller manger un petit peu et revenir se rendormir ensuite. Mais généralement, ils ont quand même toute une phase de prise alimentaire, où ils vont accumuler l'énergie avant l'hiver. Bon, de temps en temps, ils pourraient sortir en hiver, mais comme ce sont des ectothermes, et non pas à la différence des mammifères qui hibernent, ils vont se réveiller si la température les réveille, température rend leur métabolisme actif. Au contraire des mammifères qui, eux, vont se réveiller de manière régulière. D'accord. Oui, parce qu'ils n'ont pas cette contrainte de la température. Ok. Je me demandais aussi, donc le chaotriton que vous étudiez, on le disait, il est endémique des Pyrénées. Est-ce qu'il est menacé et quel est son statut de protection ? Alors, son statut de menace, déjà sur la liste rouge IUCN, il y figure, premièrement. Donc, il est classé quasi menacé, donc à l'échelle de l'espèce. D'accord. Sachant que donc, la liste rouge IUCN accorde toujours un statut à l'échelle d'une espèce et pas forcément à l'échelle de population. D'accord. Donc, ce qui est intéressant et important de préciser, c'est que là, on est sur une espèce qui est représentée sur toute la chaîne pyrénéenne. Donc, quasi vulnérable sur toute la chaîne, mais on a des populations qui sont... si on faisait vraiment un état des lieux statutaire, qui serait plus que quasiment menacé. D'accord. Donc, à l'échelle de l'espèce, ça va, c'est le grade, entre guillemets, de menace le moins grave. Mais bon, il faut vraiment réfléchir vraiment population par population. Ouais, y a vraiment des populations, là, dans les Pyrénées, où il est beaucoup plus difficile à trouver. Y a des populations, déjà, qui étaient référencées au niveau observation au 19e siècle et qui ne le sont plus. D'accord. Déjà, premièrement. Donc on peut faire l'hypothèse qu'elles ont disparu, effectivement, au statut, vraiment au grade populationnel. Actuellement, il y a des populations qui se portent très très bien aussi. Donc voilà, c'est vraiment, vu qu'il y a certaines populations, ça craint du boudin, et il y en a d'autres, c'est génial. À l'échelle de globalement, l'espèce, ça passe. C'est quasi vulnérable. Ensuite, au niveau du statut de protection, tous les amphibiens et reptiles de France sont protégés. D'accord. Une espèce protégée, ça veut dire quoi ? C'est qu'on a juste le droit de « Oh, je vois un animal protégé, coucou, de loin !» On le regarde passer, c'est tout. On le regarde passer, interdiction de le toucher, voilà. Interdiction de détruire son habitat, interdiction de quoi que ce soit, à part lui faire coucou gentiment de loin. Voilà. Et au niveau donc, du chaotriton, donc on en parlait là, juste là, quelles sont les menaces qui pèsent sur lui ? Il est prédaté. Pourquoi est-ce que la population a tendance à décliner ? Alors là, je pense que ce n'est pas spécifiquement au chaotriton, c'est le cas de tous les amphibiens. Premièrement, on est sur une espèce, donc, comme disait Hugo, ectotherme, donc, qui est complètement dépendante de la température extérieure, qui n'a pas de mécanisme interne pour réguler sa température. Donc face au réchauffement climatique et au dérèglement plutôt climatique de manière générale, c'est des animaux qui vont mal supporter une forte élévation des températures ou des chocs thermiques ou des fortes variations de manière générale de température. Ensuite, on est sur des animaux qui sont complètement inféodés à l'eau. Donc toujours sur l'idée du réchauffement climatique, on a de plus en plus d'assèchement de zones humides, voire de dérangement par l'activité humaine de zones humides. C'est très souvent une problématique qui est au cœur d'associations écologistes. Puisque souvent, il y a énormément de constructions qui se font sur les zones humides. Ouais, donc, on déloge les animaux. Voilà, donc on détruit complètement leur habitat. Ensuite, quoi d'autre ? Hugo aussi précisait que ce sont des animaux qui ont une peau très perméable. Donc, ils sont très sensibles à la moindre petite pollution qu'il peut y avoir dans l'air ou dans l'eau. Donc, ils sont aussi, comme à peu près toutes les espèces du monde, contraints par la fragmentation de l'habitat. C'est-à-dire qu'on va construire une route en plein milieu d'une zone où il y a plein de petites mares. Bah ouais, mais du coup, plutôt que d'avoir une zone avec 10 mares, on va avoir une zone avec 2 mares. Donc forcément, au niveau de la reproduction, ça peut entraîner beaucoup de consanguinité, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, à mon sens, le groupe d'espèces qui regroupe peut-être le plus de menaces différentes de par leur biologie et écologie. Donc, et d'ailleurs, c'est le cas. Hein. C'est aujourd'hui l'ordre de vertébrés le plus menacé à l'échelle du monde. Il y a plus d'un tiers des espèces d'amphibiens qui sont menacées. Au niveau global, il y en a beaucoup plus d'espèces qui sont en milieu tropical, donc forcément, mais effectivement, comme tu disais, c'est des espèces qui regroupent énormément de menaces sur elles, ce qui font qu'à la fois c'est un groupe très sensible, mais aussi intéressant à étudier, puisque du coup, ce seront des espèces qui vont ressentir des effets environnementaux qui ne seraient pas forcément perçus par d'autres espèces. Et donc si on constate par exemple un déclin sur une population d'amphibiens à un endroit, eh bien, on peut identifier, par exemple, voilà, des problèmes environnementaux dont on aurait pu passer à côté. Oui, donc la présence ou non d'un amphibien, finalement, c'est un peu ce qui va donner le signal d'alarme pour un environnement donné. On vous laisse reprendre votre souffle, ne bougez pas, on vous propose une courte pause musicale et on revient tout de suite sur Campus FM. The bugle, I know that you can hold me too. Chime the bell, it's time to hear you. I know that you can play a tune. Resting with the seeds of summer, they return with their promise of a year. Watch the flies that catch the sunlight and return you to all that's there. C'était Watch the Flies de Bébio, tiré de l'album Ribbons. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94 FM, dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Marine Deluen, doctorante en écologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et Hugo Le Chevalier, ingénieur d'études, tous deux rattachés à la station d'écologie théorique expérimentale du CNRS à Moulis. En plus d'être membres d'association Anaturam, ils étudient tous deux le calotriton des Pyrénées. Alors, dans la première partie de l'émission, on discutait des habitudes de vie du calotriton, des amphibiens en général. En quoi est-ce que cet animal, c'est un bon modèle pour vos études ? Alors, c'est un bon modèle puisque c'est un amphibien. Donc, déjà, première chose, donc, ça regroupe toutes les menaces qu'on a citées tout à l'heure, toutes les caractéristiques. Donc, c'est un excellent bio-indicateur du milieu. Ensuite, deuxième chose, il est endémique, on le disait aussi tout à l'heure. Donc, on a une vraie... habitants des Pyrénées, on a une vraie responsabilité de protection de notre patrimoine. Je pense là-dessus. Donc là, on est à la fois donc une responsabilité française pyrénéenne, espagnole pyrénéenne et complètement andorrane. Mmh. Voilà. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment très important de quantifier et de maîtriser sa sauvegarde. Ensuite, dernier point, le calotriton des Pyrénées, à son échelle, peut être qualifié d'espèce parapluie. D'accord. Une espèce parapluie, souvent, quand on parle de ce terme-là, on pense, les exemples les plus cités en écologie, ça va être le lion, le loup ou l'ours. Des grands prédateurs. Voilà, les super prédateurs qui sont vraiment tout en haut de cette pyramide de la chaîne alimentaire. Le terme parapluie, il existe parce qu'on part du principe que si on protège ce sommet de pyramide, avec notre petit parapluie, le parapluie va couvrir l'ensemble de la pyramide trophique. Puisque si on veut protéger ce super prédateur, il faut protéger ses proies, qui sont des prédateurs. Pour protéger ses prédateurs, il faut protéger à nouveau leurs proies, qui sont des herbivores. Et pour protéger, il faut protéger du coup l'ensemble végétal. Mmh. Donc on protège vraiment tout l'ensemble tout de cette pyramide, quoi. Tout l'écosystème. Donc vous allez me dire, oui, mais le calotriton et le lion, merci, mais en fait... C'est pas un super prédateur. Voilà, faut pas trop se moquer du monde non plus. En fait, à son échelle, c'est-à-dire le cours d'eau pyrénéen, le calotriton des Pyrénées n'a en tout cas à ce jour pas été identifié de prédateur au-dessus de lui. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même un super prédateur à son échelle. Donc à l'échelle du cours d'eau, c'est lui qui régule toutes les populations, donc principalement d'insectes. Hein, il va se nourrir d'insectes, de mollusques, etc. Larvaires souvent, du coup dans le cours d'eau. Et ces insectes mollusques sont souvent soit carnivores, soit herbivores. Donc sont vraiment les prédateurs normaux, alors que le calotriton, il vient réguler tout ça, il est super prédateur. D'accord. Donc ça fait un petit peu ridicule à chaque fois que je dis ça, mais oui, si. Il peut être petit et ne pas manquer de charisme. Hein. Voilà. Donc entre voilà, son statut d'amphibien, son endémisme et son rôle de parapluie, d'espèce parapluie, on est vraiment sur une espèce clé des Pyrénées. Or, la chaîne pyrénéenne, c'est quand même un écosystème majeur dans la régulation, tout simplement, notamment thermique, de la France, de l'Espagne, etc., de cette région. On est sur une chaîne de montagnes vraiment importante. Si on ne protège pas le calotriton, on ne protège pas les cours d'eau. Si on ne protège pas les cours d'eau, je ne sais pas ce qu'on protège dans c'est les Pyrénées. Vrai. On est quand même sur une chaîne de montagnes très hydro-référencé, on va dire ça comme ça. Donc, sans les cours d'eau, on perd beaucoup de biodiversité propre à ce milieu-là. Exactement. Du coup, donc vous, Marine, pour revenir sur vos manips que vous faites en ce moment, donc vous avez étudié par le passé, pendant votre M2, les préférences thermiques de ces animaux et vous intéressez maintenant aux tolérances thermiques. Alors, en quoi ça consiste ? Quelle est la différence entre préférence et tolérance thermique ? Et qu'est-ce que vous regardez de beau ? Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Moi, être humain, bretonne de mon fait, je préfère être à 25 degrés. Voilà. Voire aller de temps en temps, j'aime bien me faire une petite après-midi à 35 degrés en mer Méditerranée, ça me fait un petit coup de chaud, plein de vitamine D, je suis contente. On me met pendant un mois sans aucune variation thermique à 35 degrés, je suis pas sûre que je vais le supporter. Mmh. C'est exactement ça la différence du coup entre préférence, on est sur un choix comportemental qui peut être à plus ou moins court terme. D'accord. Et tolérance, qui là, ça va vraiment être à l'échelle physiologique de l'organisme. Qu'est-ce que je vais pouvoir supporter ? D'accord. Qu'est-ce que mon métabolisme, mes cellules, mes enzymes, mon fonctionnement interne va pouvoir supporter pour bien fonctionner. Donc bien fonctionner, c'est quoi ? C'est est-ce que je vais continuer à réussir à m'alimenter correctement, à grandir correctement, à me reproduire correctement pour que la population et l'espèce soit viable. Puisse rester stable. Ok, donc toutes les grandes fonctions. Et ça, donc, en pratique, comment est-ce que vous le testez avec notre fameux calotriton ? Alors, petit calotriton. déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le calotriton des Pyrénées, il existe un tout petit peu d'élevage dessus, mais c'est vraiment minime. Nous, on travaille sur des populations sauvages. D'accord. Donc, ça implique quoi ? On est sur une espèce protégée. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, une espèce protégée, on a interdiction de la toucher. D'accord. Donc, encore moins de la déplacer dans un laboratoire et de lui faire des misères. Donc, ça nécessite des dérogations. Donc, auprès d'organismes d'État. Donc, on peut y avoir droit ou ça peut nous être refusé. D'accord. On ne sait pas parce qu'on est des scientifiques qu'on a tous les droits là-dessus. Donc, c'est vraiment très important de le préciser. Donc, une fois qu'on a demandé gentiment à l'État une autorisation pour un certain nombre d'individus à prélever sur des zones très précises, donc on les ramène au laboratoire. Ensuite, du coup, c'est là qu'une fois qu'ils sont au laboratoire et qu'on leur fait des petites misères, on rentre dans le domaine de l'expérimentation animale, donc d'accord. l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques, où là, encore une fois, c'est extrêmement cadré par l'État. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Encore plus sur les espèces protégées. Oui. Donc en fait, quels que soient les protocoles de préférence, tolérance ou n'importe quoi qu'on fait, j'ai tolérance zéro niveau mortalité. C'est-à-dire que tous les individus que je capture, j'ai le droit de les garder au labo sur une période donnée, en général qui dépasse rarement les 3-4 mois. D'accord. Et je les relâche. Ok. Donc pour les relâcher, il faut qu'ils soient en état d'être relâchés. Il faut qu'ils soient en bonne forme. Okay. Voilà. Donc ça nécessite aussi derrière un suivi de population. Un suivi de nos individus dans leur milieu naturel. C'est-à-dire, est-ce qu'ils recouvrent bien toutes leurs fonctions pour être viables dans le milieu naturel ? Est-ce que ce qu'on leur a fait subir n'impacte pas leurs fonctions derrière ? Ceci étant dit, du coup, pour les préférences thermiques, on les a mis tout simplement dans une grosse bassine. D'accord. Cette bassine était en communication avec 5 autres bassines qui, elles-mêmes, étaient régulées du coup à 5 températures différentes. Avec de l'eau ou sans eau ? Non. De l'eau. De l'eau, ok. C'était pendant leur phase aquatique. Ok. Donc, de l'eau, et puis je filme pendant une demi-heure. Okay. Et pendant une demi-heure, bah, je le laisse se balader, sachant que donc, du coup, il peut rentrer en fait, dans les tubes de communication entre les bassines. Et en fait, du coup, on a déterminé leur température préférée donc, pour chaque individu, et ensuite pour chaque population, comme étant la température à laquelle ils ont passé le plus de temps sur les 30 minutes d'expérimentation. D'accord. Et il y a des grosses différences de température entre les différentes bassines ? Ça allait, donc la plus basse était à 8 degrés et la plus haute à 30 degrés. Ah oui, d'accord, donc un grand éventail. On a un bon gros gradient, sachant que du coup, cette bassine centrale, là où est le calotriton, fait un peu une température tampon entre toutes ces arrivées d'eau. D'accord. Donc il peut, s'il veut, rester au milieu et voilà. Mais ce sont des animaux qui ont un comportement exploratoire assez poussé, donc c'est assez rigolo de les voir un peu explorer cette nouvelle bassine en mode « mais qu'est-ce que c'est ?» Je rentre dans un tuyau, ah non c'est trop chaud, je rentre dans un autre, ah non c'est trop froid. Ou alors un coup je m'installe au froid, ouh, au bout de 10 minutes j'ai un peu froid, je vais aller me réchauffer ailleurs. Enfin, on est vraiment sur du comportement. Mmh. La préférence thermique c'est vraiment comportemental. Et là on a vraiment le comportement de thermorégulation qui est propre à l'ensemble des ectothermes. D'accord. Et donc du coup, donc les résultats sont sortis, on a un joli papier qui est sorti début 2019 sur les variations de préférence thermique du coup chez le calotriton en fonction du gradient altitudinal. D'accord. Puisque nous avions échantillonné donc 8 populations différentes à la fois côté français et espagnol sur un gradient altitudinal et on s'est rendu compte qu'on a une vraie différence. Donc en fait, le long du gradient, on a les populations de très basse et de très haute qui ont le même choix thermique. Ah, c'est marrant ça. Qui est assez élevé. OK. Qui est autour de 28-30 degrés. Donc même les animaux qui vivent en très haute altitude, qui sont plutôt habitués au froid, ils ont quand même une petite préférence pour une eau plutôt chaude. Exactement. Okay. Donc 28-30 degrés, c'est quand même assez chaud. C'est déjà beaucoup, hein. Ouais. C'est pas les températures qu'on a vraiment l'habitude de rencontrer, en tout cas en haute altitude. Dans le milieu, oui. Et à l'inverse, du coup, les populations de milieu d'altitude préféraient des températures plus fraîches, autour de 18 degrés, quelque chose comme ça. D'accord. Entre 15 et 18. Donc, en fait, on a vraiment une relation en forme de U, si on prend le long du gradient altitudinal, où on a en basse altitude des individus qui vont choisir des températures auxquelles ils sont habitués, donc sur la première moitié du gradient. Donc, en juillet-août, on a fait les tests en juillet-août. Donc, en juillet-août, en basse altitude, à 500 mètres, on peut avoir des eaux qui peuvent se réchauffer jusqu'à 28. Mmh. Donc là, on a vraiment un comportement, en fait, d'habitude. Et à l'inverse, sur la deuxième moitié du gradient altitudinal, on a des individus qui vont avoir un comportement opportuniste. C'est-à-dire qu'ils ne rencontrent jamais ces températures-là dans leur milieu. Or, ces températures chaudes sont synonymes de boost d'activité et donc de boost de reproduction. D'accord. Attends, moi j'ai 5 degrés toute l'année, là tu me donnes l'opportunité d'avoir un truc dans à 28, ça fait mais je fonce. J'y vais à fond, je vais me réchauffer, je vais booster toutes mes fonctions, et là c'est vraiment de l'opportuniste. Donc en mode, j'y vais à 3000%, et comme ça, à tous les coups, je vais rencontrer une petite nana sympa, on va se reproduire, les œufs, ils vont être au chaud, ils vont être boostés à fond, ils vont éclore en 2-2, les larves, elles vont être pétées de ouf. En forme. Enfin, c'est parti, quoi. Donc, on a vraiment, finalement, grâce à ce gradient thermique en fonction de l'altitude, on a vraiment pu déterminer que en fonction de l'altitude, on n'avait pas du tout les mêmes comportements. Ouais, donc, soit fou, d'habitude, alors soit d'opportunisme. C'est la même espèce, la zone géographique n'est pas très éloignée, mais malgré tout, les comportements sont très différents. Tout à fait. Tout à fait. Et à l'inverse, du coup, de tolérance thermique, là, ce que je vais faire, je vais les mettre un petit peu au bain-marie, sur des températures qu'on peut retrouver dans leur milieu. Hein. Le but n'est absolument pas de les traumatiser, oui, de les abîmer. Tout à fait. Donc, je respecte les températures qu'on peut retrouver dans leur milieu. Et pareil, je fais le travail sur un gradient altitudinal. Et en fait, du coup, je vais les laisser pendant un certain temps à différentes températures, donc entre 5 et 25 degrés. Et je vais tester notamment leur respirométrie. Donc, la manip de respirométrie, c'est vraiment, on va quantifier la consommation de dioxygène pendant un laps de temps donné, du coup, d'accord, à différentes températures. En faisant l'hypothèse que, a priori, 25 degrés, ça risque d'être un petit peu trop chaud. Donc peut-être qu'ils vont respirer un peu plus vite. Oui, c'est ça, ils ont tendance à respirer plus fort. Voilà. Si la température est trop chaude pour c'est eux. C'est ça. Okay. Alors qu'à 5 degrés, métabolisme ralenti, je vais consommer quasiment pas de dioxygène. Et il y a ces changements de température et donc de métabolisme, ça va avoir des conséquences par exemple sur leur poids, sur ce genre de choses ou... Alors moi sur mes manips qui sont à petite échelle, ça va pas modifier leur poids. D'accord. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va surveiller et si jamais il y a une modification du poids, on arrête. Oui, il faut faire attention, bien on sûr. On fait très attention à ça. Maintenant, évidemment, donc si on prend à l'échelle du milieu naturel sur le long terme, ça peut impacter la croissance, le poids, la reproduction, l'alimentation et toutes les fonctions physiologiques vitales et écologiques de base. Ok, eh bien, c'est très clair, merci beaucoup. Mais de rien. Et donc Hugo, moi je me demandais, donc, vous étudiez l'impact que peuvent avoir les truites de pêche sur les populations de calotritons, c'est bien ça? Les truites et calotritons, alors moi, une question tout à fait naïve, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas censés évoluer dans le même écosystème? En quoi est-ce que la population de truites, si ces deux animaux vivent ensemble le reste du temps, comment ça se fait qu'ils aient un impact au point d'attaquer les populations de calotritons? Alors en fait, je vais resituer un petit peu tout le contexte du projet. Donc c'est un projet qui s'appelle Isola Pop, qui vient de démarrer. Donc pour isolement anthropique des populations. D'accord. Donc à savoir que du coup, l'objectif de ce projet, c'est d'étudier les populations de calotritons et à quel point elles puissent être isolées par la présence d'un facteur anthropique, donc apporté par l'être humain, qui serait ici, dans ce cas-là, du coup, des poissons relâchés pour une activité de pêche. Donc les truites, elles ne sont pas là en milieu naturel voilà, toutes seules. Des truites relâchées pour la pêche, donc pas des truites sauvages. Ok. Voilà, donc c'est vrai que tout ce projet s'est monté sur un constat qu'on retrouve quand même depuis plusieurs années maintenant dans la recherche sur les amphibiens, où effectivement la présence de poissons est quasiment toujours associée à une absence d'amphibiens, que ce d'accord soit dans des petits cours d'eau ou dans des points d'eau stagnants. C'est généralement le cas. En tout cas, c'est très net quand on a par exemple des poissons rouges dans une mare, on n'aura jamais une grenouille, ou alors très peu, ou alors pas de reproduction. Parce que les poissons s'attaquent aux tétards et s'attaquent aux larves. Les poissons peuvent s'attaquer directement. De toute façon, c'est ce qu'on va tester. Du coup, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on va faire expérimentalement dans le projet. Donc, on va faire un suivi sur le terrain, mais aussi des expérimentations en mettant en contact nos calotritons et les truites arc-en-ciel de pêche, d'accord, que l'on va récupérer dans une pisciculture des Hautes-Pyrénées, et pour observer justement ce qui se passe. Et on va observer les différents comportements qu'il peut y avoir, mais pas forcément de contact direct. D'accord. On va commencer parce que c'est un peu risqué. Je me dis, si vous mettez une truite qui aime le calotriton avec le calotriton... Exactement. on va voir si jamais... On va tester ça, mais avant, on va d'abord tester de manière indirecte ce qu'il se passe. D'accord. Donc, on va les mettre dans une bassine, dans deux compartiments séparés. Premièrement, avec un contact par odeur. Okay. Le calotriton ne verra pas la truite, mais il pourra la sentir. À savoir si le fait qu'il y ait une odeur de prédateur... ça peut influencer tout à fait une population. Par exemple, le fait qu'il y ait une présence de prédateurs peut faire que les animaux vont sécréter des hormones de stress qui seront captées par leur congénère, qui va faire que leur qui peut diminuer par exemple leur activité de nourrissage, qui peut impacter leur activité de reproduction. Et la seule présence d'un prédateur peut donc influencer toute une dynamique de population sur le long terme. Donc on va vérifier ça en les mettant en contact. On va vérifier s'ils sont influencés dans leur capacité exploratoire. D'accord. Parce que comme l'a dit Marine, en plus c'est des animaux qui bougent beaucoup. Mmh. Donc si on voit un calotriton qui se fige dès qu'il sent un poisson, c'est qu'il est un peu stressé. Il n'est pas à l'aise. Non, il n'est pas à l'aise du tout, hein, clairement. Alors on va observer tout ça, et notamment aussi les comportements de reproduction. À savoir que ce sont des animaux... comme le disait Marine encore une fois, très opportuniste. Dès qu'on les met dans un petit peu d'eau chaude, même en captivité, ils ont vite fait de se sauter dessus. Ok. Ah ouais. Alors, faut vraiment les séparer, sinon ils ne s'arrêtent pas. Ah <D'accord. ouais. rire> L'appétit du calotriton est très lié à la température. Ah oui, oui, ça. Dès qu'il fait chaud, ils se reproduisent. Donc si on n'observe pas d'activité de reproduction dans des bonnes conditions, juste parce qu'il y a un prédateur, on peut conclure que c'est la présence d'un prédateur qui les bloque. Oui. Voilà. Après, donc, on va tester ça, l'indice chimique. On va tester aussi l'indice visuel, donc avec un contact... pas de contact d'odeur, mais une vitre qui ferait qu'ils puissent se voir. Donc juste le fait de voir. Et ils voient plutôt bien les calotritons. Les calotritons voient plutôt bien. D'accord. En tout cas, ça a déjà été testé. Suffisant pour voir un gros poisson. D'accord. Dans tous les cas, c'est un truc. Enfin, ils verront une masse plus grosse qu'eux, qui peut être perçue comme un prédateur, et voir si ça peut les influencer. Parce que d'accord. Comme disait Marine aussi tout à l'heure, c'est les calotritons sont censés être les super prédateurs de leur cours d'eau. Et ils ne sont pas vraiment censés être en contact avec quelque chose de beaucoup plus gros. Ouais. Donc c'est forcément quelque chose de stressant pour eux. Mais ces fameuses truites là, qu'on retrouve dans les mêmes cours d'eau, elles sont là depuis longtemps ? Alors effectivement, si ça c'était un constat que l'on a fait, il faut savoir que le projet sur lequel on travaille est un projet qui est à la fois en écologie, mais aussi un petit peu en géosociaux. On est en partenariat avec le laboratoire Géode, Géographie de l'environnement, qui s'intéresse justement à tout l'aspect sociétal de l'empoisonnement dans les lacs. Donc on n'en est encore qu'au début du projet, donc il y a eu seulement quelques études préliminaires, mais de ce qu'il en ressort en tout cas, de notre partenaire qui a étudié donc, les archives nationales, départementales, sur les activités de pêche, les carnets des gardes de pêche d'il y a 500 ans, enfin, peut-être pas 500 ans, mais des carnets des gardes de pêche des années 1900, enfin bref, tout un tas de données qu'il y a pu y avoir. Donc on a constaté effectivement que l'empoisonnement est quelque chose de très récent dans les lacs des Pyrénées, qu'au début du 19e siècle, moins de 10% des lacs des Pyrénées avaient des poissons. Oui. Ils étaient vides de poissons. Il y en avait quelques-uns qui étaient empoisonnés, ce n'étaient pas forcément des poissons qui étaient venus là de manière naturelle, c'était peut-être aussi des lacs dans lesquels les bergers amenaient des poissons pour pouvoir se nourrir pendant qu'ils étaient en estive avec les troupeaux. Ouais. C'est une pratique qui datait du Moyen-Âge. D'accord. Et bien avant même. Donc c'est des lacs qui sont empoisonnés depuis longtemps, mais toujours par l'activité humaine. Voilà. Ensuite, il y a eu un boost dans cet empoisonnement de lacs dans les années 1950-60, même un peu plus tard je crois, à la création du parc des Pyrénées. D'accord. Où du coup le directeur du parc de l'époque avait pour mission, enfin il s'était donné pour mission de faire un regain de biodiversité. Et il n'a rien trouvé de mieux que d'aller mettre des poissons dans les lacs en se disant qu'il devrait y avoir des poissons, on va faire de la biodiversité, de toute façon il n'y a rien qui vit, donc on va y mettre des poissons. Et effectivement, les poissons ils se sont bien plu, ils sont toujours là aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de 95% des lacs de montagne sont empoissonnés, alors qu'il ne devrait techniquement parlant n'y en avoir aucun. Aucun, okay, ouais. Voilà. Et donc effectivement, ces poissons finissent par se retrouver dans les cours d'eau, finissent par se reproduire. Ce ne sont pas forcément toujours des espèces locales. Hein. On a en plus de ça beaucoup la truite arc-en-ciel au détriment de la truite fario, etc. Donc effectivement, cette activité qui se maintient sur le temps, parce qu'il y a du réempoissonnement chaque année, a un impact sur le long terme sur l'espèce d'amphibien. Juste pour finir rapidement, c'est vrai que sur une étude, plusieurs études qui ont été faites, notamment dans les Alpes italiennes, où les chercheurs ont cherché à étudier cet impact des poissons, en dépoissonnant un lac, d'accord, qui avait des poissons mais rien d'autre dedans, en tout cas pas d'amphibiens, dépoissonner le lac, l'année d'après, il y a un regain de diversité dans ce lac, plusieurs dizaines d'espèces d'amphibiens recolonisent et se reproduisent de nouveau. Donc effectivement, on peut penser qu'il y a non seulement un impact direct des poissons, mais également un isolement des populations à cause de ces poissons. Mmh. Effectivement, quand un amphibien doit aller quitter son milieu terrestre pour se reproduire dans un lac, si dans ce lac il y a des poissons qui ne peuvent pas se reproduire, il finira totalement isolé. Et puis, il y a ces histoires aussi de consanguinité dont on parlait. S'il doit rester dans la mare dont il est originaire, c'est pas terrible. Exactement. Donc c'est ce qu'on dit sur le long terme, sur la gestion de population sur le long terme, ça peut avoir un impact assez grave. C'est plus de la fragmentation par les routes ou par l'activité humaine à proprement parler de façon directe, mais c'est de la fragmentation par la présence de poissons. D'autres animaux. Ouais. Ah, c'est assez fou. Bon, alors on le disait, le projet, c'est tout début, donc peut-être que vous reviendrez dans quelques temps nous parler des avancées et en quoi les truites ont ou non un impact sur les calotritons. Pour finir, moi, je voulais un petit peu parler de Annaturam. Je voulais savoir un petit peu depuis quand existe l'association et quelles sont vos actions. Ah bah, l'association existe depuis pas très longtemps, hein, depuis début 2017, ou même c'était avril 2017, ça fait deux ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. Donc ça fait deux ans, c'est une association qu'on avait montée parce qu'on... Quand on avait commencé à travailler dans la recherche en écologie, on s'était quand même rendu compte qu'il y avait un certain manque de communication autour des résultats scientifiques. D'accord. Ils étaient un petit peu enfermés dans les laboratoires. On voulait un peu sortir ces résultats scientifiques des laboratoires, les rendre disponibles et surtout accessibles aussi pour le public le plus large possible. Parce que effectivement, c'est un constat personnel que j'avais fait. J'ai jamais été très bon en classe. Et quand j'ai commencé à travailler pour le CNRS, je me disais, waouh, le CNRS, c'est quelque chose d'énorme. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste utiliser les bons mots et tout le monde est capable de comprendre la science. Donc effectivement, voilà, en termes de vulgarisation scientifique, c'est un domaine aussi qui était assez peu représenté, l'écologie. Il y a eu beaucoup de vulgarisation scientifique en biologie, en médecine, mais assez peu en écologie finalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve à faire souvent l'amalgame entre l'écologie scientifique et l'écologie politique. D'accord. Qui est, techniquement parlant, de l'écologisme. Un peu du greenwashing, comme on dit, on met du vert pour... C'est une idéologie, c'est le fait de pouvoir protéger l'environnement. Mm-hmm. Mais c'est de l'écologisme, c'est-à-dire c'est vraiment un mouvement de pensée. D'accord. Et c'est différent de l'écologie scientifique, étymologiquement, vraiment, qui est l'étude des interactions des organismes entre eux et avec leur environnement. Donc vraiment un champ scientifique assez déterminé, assez cadré. Voilà, donc c'était aussi dans l'objectif non seulement de diffuser ces résultats, mais aussi dans l'état d'urgence écologique dans lequel on est aujourd'hui, de faire comprendre que l'écologie est avant tout une science, est avant tout un domaine étudié par des chercheuses et des chercheurs tous les jours, avec des nouveaux résultats factuels, des études expérimentales, de terrain, etc. Ce n'était pas forcément une opinion, c'était aussi quelque chose qui peut s'étudier. Ok. Et puis en plus, c'est vrai que c'est... On parlait de la médecine, de la biologie, mais l'écologie, c'est quand même quelque chose qui est dans le cœur de l'actualité. C'est vrai qu'on parle du réchauffement climatique, de la biodiversité, c'est des choses qui doivent quand même intéresser le grand public. Ça intéresse, mais va faire un micro-trottoir dans Toulouse, va leur demander c'est quoi l'écologie, ils vont te dire quoi ? Éolienne, tri des déchets. Ouais. Ça, c'est pas de l'écologie. L'éolienne, tout ce qui est technologie liée à l'écologisme, c'est du développement durable. Ouais. Le tri des déchets, c'est une action intelligente pour limiter nos déchets et nous limiter notre impact sur la nature. L'écologie, ça a une définition qu'a précisé Hugo. Et l'écologie, ce n'est pas les éoliennes, le tri des déchets. Et ça, du coup, les gens sont encore assez peu enseignés. Et ça, je n'ai pas de données vraiment scientifiques pures et dures, mais allez, à vue de nez comme ça, je dirais que 90% des gens ne savent pas ce que c'est l'écologie. Donc encore plein d'années de boulot pour Annaturam à l'avenir, alors si je comprends bien. Ben, j'espère. Ah bah oui, de toute façon, c'est aussi un plaisir de pouvoir apporter ses connaissances. Au grand public. Ouais. Ouais, super. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir permis d'en apprendre un peu plus sur le calotriton des Pyrénées. Pour suivre les activités de vulgarisation d'Hugo et Marine au sein de l'association Annaturam, consultez les réseaux sociaux et bien sûr leur site annaturam.org. On finit comme d'habitude avec quelques conseils lecture. Pour finir cette émission, j'aimerais vous conseiller un livre et une vidéo. Le premier est un ouvrage de référence que tout naturaliste consciencieux doit avoir dans sa bibliothèque. C'est une Bible. Il s'agit du guide Herpeto des amphibiens et reptiles d'Europe, écrit par Nicolas Arnold et illustré par Dennis Ovenden dans la collection des guides de la Chaux, bien entendu édité chez de la Chaux et Niesley. Lézards, serpents, tortues, crapauds, grenouilles, tritons, protées, toutes les espèces sont décrites avec précision, tant du point de vue de leur comportement, de leur aspect, de leurs aires de répartition, que de leurs habitudes alimentaires. Et pour rompre la monotonie du noir et blanc, ce sont 49 superbes planches illustrées en couleurs qui représentent tous les animaux décrits. Impossible de passer à côté, il vous le faut dans votre bibliothèque. Je voulais ensuite vous parler d'une courte vidéo dédiée à la salamande tachetée. Il s'agit du tout premier épisode de la série d'animation « Bonjour le monde » réalisée par Annelise Kohler et Eric Serre. Chacun des épisodes de la série, qui dure 9 minutes, compte la vie d'un animal. Et prouesse technique, chaque épisode est réalisé en stop-motion, cette technique d'animation en image par image qui consiste à faire bouger à la main les figurines d'animaux au millimètre près. Ces sculptures sont d'ailleurs sublimes, peintes et décorées avec une grande finesse. Dans cet épisode, on voit donc comment la jeune salamande passe de la vie aquatique à la vie terrestre, s'émue et comment elle se défend face à un sanglier trop curieux grâce à son venin. On y croise la vie de toute la faune de son biotope, dytiques, libellules, tortues, loutres et tant d'autres. Cette sublime série qui allie excellence technique, sciences naturelles et poésie est disponible sur la plateforme internet zouzou.fr et sera ensuite diffusée les samedis sur France 5 à partir du 18 mai. Je vous mettrai bien entendu l'adresse en lien avec le podcast de l'émission. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse et à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.